بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on arrive maintenant à un point où le cheikh dit إظهار مذهب السلف وبيان موقف وبيان موقفهم من أهل البدع d'exprimer le mazhab des salaf, de montrer le mazhab des salaf et d'expliquer la position des salaf vis-à-vis des gens de bid'ah. Donc le cheikh il dit قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أو المهديين الراشدين تمسكوا بها وأبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة النادية قد قيل وقد قيل له من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي donc le cheikh il montre comme pour commencer deux hadiths parmi les hadiths on a mentionné déjà plusieurs fois depuis le début de ce dars. Et le cheikh il donne le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors, je vous incite à suivre ma sunnah et la sunnah de mes successeurs de vos idées. Et accrochez-vous ou accrochez-vous à ces choses-là, yani, comme on mord, comme si vous devriez mordre dedans avec vos mollets. » Et ça c'est l'exemple qu'il donne pour nous faire comprendre de quelle force on doit s'accrocher à sa sunna. Et prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion. Parce que chaque nouvelle chose inventée est une bid'ah, et toute bid'ah est une égarement. Et dans un autre hadith, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en décrivant le groupe qui sera sauvé de l'enfer, alors qu'on lui a demandé lequel d'entre ces groupes ou lequel sera ce groupe sauvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en le décrivant, ce sont ceux qui suivront ce que moi-même je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Donc le cheikh donne une citation de l'imam ou du sahabi Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans laquelle il dit celui qui veut suivre quelque chose ou celui qui veut être sur le droit chemin ou qui veut suivre vraiment la bonne voie, alors qu'il suive ceux ou qui s'accrochent à ce que suivaient ceux qui sont déjà morts, c'est-à-dire les sahaba. Il dit, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette ummah. Ils étaient ceux qui avaient les cœurs les plus pieux et la connaissance la plus profonde. et qui étaient les moins, les personnes les plus simples, c'est-à-dire c'était les gens qui n'exagéraient pas dans la religion et qui ne s'en mettaient pas plus qu'il faut, c'est-à-dire ils cherchaient pas les petits détails pour essayer de compliquer la religion, c'était des gens qui prenaient les choses d'une façon simple. Et c'est un peuple ou c'est des gens que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a choisi comme pour être des compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre sa religion. Alors prenez essayez d'imiter leur caractère et leur comportement et leur voix. Alors pourquoi? Parce que ce sont ceux qui étaient sur une guidance droite, sur une droite rien. Hein? Et ça c'est rapporté dans Sharh Sunnah de l'imam al-Bahawi. Ensuite, le chef il donne une autre citation. Il dit, قال l'imam Ahmad, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Donc ça, on l'a appris dans le dars de أصول السنة. C'est les fondements de la Sunna pour nous. Ça signifie de s'accrocher à ce que suivaient ou de s'accrocher à sur quoi étaient les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de se baser sur eux et de laisser tomber les innovations. Donc ça c'est le premier fondement que l'imam Ahmad a expliqué en commençant sa aqidah, c'est-à-dire les fondements de la sunna c'est de suivre ce que suivaient les Sahaba. Donc ça nous explique que si l'imam a commencé en citant cette chose-là, que ça c'est la base même de cette da'wah, c'est la base même de cette aqidah. Ensuite il dit, « وَمَا ذَالَ أَئِمَّةُ السُّنَّةُ وَعُلَمَاؤُهَا جَيْلًا بَعْدَ جَيْلٍ يَدْعُونَ إِلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِهِمْ وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ وَمَا بَرِحَ أَهْلُ السُّنَّةِ يَسْتَدِلُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيه ما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم أو المعروف عنهم الإمامة السنة. Donc le cheikh il explique, il dit que les imams de la sunna et les ulama de la sunna et génération après génération ont continuellement appelé les gens à suivre la voie des salaf salih et de se baser et de suivre leur exemple, hein, et de se baser sur eux dans leur comportement et dans leur façon de suivre le droit chemin. Et ils ont toujours, yani Ahlus Sunna wal Jama'a ont toujours pris leur religion et les preuves de leur religion en se basant sur la croyance, c'est-à-dire les preuves de leur religion et leur aqidah de ce qu'ils ont trouvé dans le livre d'Allah et de ce qui a été authentifié ou authentifié des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils n'ont pas trouvé dans ces deux sources fondamentales-là une chose qui est authentique, et s'ils n'ont pas trouvé quelque chose dans ces deux textes, dans ces deux fondements-là, le Coran et la Sunna, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il se retourne à ce qui est concerné au sujet des salaf salih, parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui ont suivi les tabi'in après, et ceux qui ont été connus parmi eux comme étant des imams, comme étant des guides dans la sunna. Après, il donne une autre citation de l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, le Coran al-Azim, il dit, « ثم استوى على العرش » Ça c'est dans le tafsir de le verset 54 dans sourate Al-A'raf. Il dit au sujet de ce verset-là, فللناس في هذا مقالات كثيرة كثيرة جدا هذا موضع بسط هذا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك أو يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. Donc il a l'imam Ibn Kathir, il a cité, il dit que les gens les gens dans, au sujet de ce verset ont beaucoup de positions. Mais il dit, ce n'est pas maintenant la, le moment de rentrer dans cette question-là et de mentionner toutes ces choses-là. Yani. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit uniquement suivre dans ce domaine, ou dans cette question, le mazhab de Salaf Saleh. C'est celui-là seulement qu'on doit suivre. Et il donne, par exemple, les noms de certains des imams des Salaf Saleh. Parmi eux, il cite l'imam Malik ibn Anas, Al-Awza'i, qui était en même époque que l'imam Malik. Soufiane al-Sawri, qui était aussi un des grands imams de l'époque. Al-Layth ibn Sa'd, qui était aussi à l'époque de l'imam Malik, qui était un des grands ulamas. Et que l'imam al-Shafi'i a dit à son sujet, au sujet de l'imam Al-Layth ibn Sa'd, qu'il était afqah min Malik. C'est-à-dire, il était plus fort dans la compréhension de la religion que l'imam Malik. L'imam Layth, naam, il était armigiste. Al-Layth ibn Sa'd était armigiste. Et quand l'imam Shafi'i est arrivé en Égypte pour étudier avec lui, il était déjà mort, rahoulahoullah. Donc, ça c'est un exemple. Ensuite, il mentionne Shafi'i, hein, et il mentionne par la suite l'imam Ahmad ibn Hanbal, et par la suite il mentionne Ishaq ibn Rahouya. Et tous ces imams-là sont des imams parmi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils sont parmi les imams des Salaf. Par la suite il cite une autre citation de l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dans son charh de l'Aqida al-Tahawiyya. Et ça c'est un des élèves d'Ibn Taymiyyah ou de son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, si je ne me trompe pas. Et ce livre, charh l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam Ibn Abi al-Izz, c'est un grand volume. Et puis, vraiment, c'est un livre vraiment, masha'Allah, très fondant, la Aqidah. Le matin, c'est l'imam al-Tahawi. Là, c'est un des salaf, lui aussi. Et donc, masha'Allah, son livre, il a été expliqué en grand détail par l'imam Ibn Abi al-Izz. Et par d'autres, parmi les ulama aussi. Cheikh Ibn Baz, il a un commentaire de ce livre-là, il a des petites notes. Pour ces livres-là qui sont très intéressants. Il y a d'autres aussi, mashallah, qui l'ont expliqué beaucoup parmi les choses qui ont expliqué ce livre. Par la suite, il dit, bon, la citation de l'imam al-Tahawi, de l'imam Ibn Abi al-Izz, c'est وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْرَحَهَا ثَالِكًا طَرِيقَ السَّلَفِ فِي عِبَارَاتِهِمْ وَأَنْ فَجْ عَلَى مِنْ وَالِهِمْ متفصلا عليهم لعلي انظم في سلكهم وادخل في عبادهم. Donc, cette citation, en fait, il explique pour quelle raison il a écrit cette explication de la Aqida de Al-Tahawiyya. Et la raison pour laquelle il l'a fait, il a dit, c'est parce que j'aimais ou j'aurais aimé l'expliquer et expliquer cette Aqida en suivant la voie des salafs et en utilisant leur expression et en suivant leur même méthodologie pour l'expliquer, pour que, inshallah, parce que je souhaite faire partie de ceux qui être parmi le nombre des savants qui ont expliqué cette aqida et qui ont expliqué l'aqida des salafs et donc que mon nom soit mentionné comme faisant partie de cela. Yani. C'est une sorte de faveur yani, qu'il fait pour essayer de rentrer dans le monde des ulama qui ont expliqué la Aqida des Salaf et qui ont récité l'un de Bid'a. Yani. Al-Tahawiyya, c'est le nom de Al-Tahawi, et je pense que d'après moi c'est une place où il ouais, c'est ça, c'est la ville d'où il venait. Ouais. Et puis, l'imam al-Tahawi, masha'Allah, si je ne me trompe pas, il était dans les 200 ans après l'Hijra. Et puis, il avait il avait oublié de mettre son nom parce qu'à cette époque-là, on a cherché les salafis, on les mettait en prison. Là. Ok. L'imam, quand il avait écrit le livre, il a oublié de mettre son nom. Ok. Parce qu'à cette époque-là, on les mettait, on les mettait en prison. Non, subhanallah. Mais cette aqidah, en fait, si tu la prends juste comme elle est elle-même, le texte seulement, eh bien, il fait quelques pages, peut-être même pas 5 pages, même pas. Mais l'explication de l'imam Ibn Abdul-Aziz, elle fait 500 pages. Le volume fait 500 pages, donc ça vous donne une idée à quel point le shéra est rentré dans les détails. Ben, c'est parce que c'est son surnom, c'est son laqab de l'imam al-Tahawi. Mais l'imam al-Tahawi, mashallah, c'est un des grands imams. Il a plusieurs livres, Mushkil al-Athar et d'autres encore aussi. Al-Hamawi, c'est une ville qui s'appelle Hama. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient le nom Hamawi. Al-Waqifi, c'est la ville Waqif. Donc, souvent, c'est des noms de villes, yani. Donc, c'est ça. Donc c'est ça. Et après le cheikh nous donne un autre exemple. Il dit: قال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلي العلو للعلي الغفار. Il dit: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. Donc l'imam الذهبي dans l'introduction de son livre العلو للعلي الغفار, c'est-à-dire ça c'est un livre que l'imam الذهبي a écrit et qui a été vérifié par l'imam al-Albani, hein, dans un de ses livres, il a écrit le Muqtasar, il a fait le tahqiq et le tahrij de tous les narrations qui sont dedans, il a mentionné tout ce qui est authentique. Et donc, al-Albani, il a fait sa vérification de ce livre. Mais le livre à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel l'imam al-Zahabi mentionne toutes les citations en premier, en commençant par les preuves du Coran et de la Sunna, pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut de Al-Ulu, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de sa création, et qu'il est au-delà de son trône tel qu'il se décrit dans le Coran, et qu'il est séparé de sa création. Donc, il cite les versets du Coran, par la suite il cite les hadiths qui prouvent ça. Par la suite, il commence à citer les paroles des Sahaba. Et par la suite, des tabi'oun et des tabi'in. Et il va comme ça, de génération en génération, jusqu'à, je ne me souviens plus exactement quelle période, mais il va quand même assez loin. Et il cite des citations des imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'a qui ont affirmé cet attribut-là. Et tout ça, c'est pour réciter aux Jahmiyyah, réciter les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira qui ont mis cet attribut-là dans le sens. Et il y a également un livre qui est dans cette même catégorie-là, écrit par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. L'imam al-Zahabi était l'élève, si je ne me trompe pas, de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc, yani, al-Zahabi a suivi l'exemple de son cheikh, yani, en faisant ce livre-là, Al-Ulul al-Ali al-Ghaffar. Et puis, je pense que le livre a aussi été publié sous le nom de Al-Arsh, aussi si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, le trône. Mais l'autre livre que l'imam Ibn al-Qayyim a écrit, c'était Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah, le rassemblement des troupes islamiques ou des armées islamiques. Et dans ce livre-là, c'est exactement la même chose que ce livre-là. Il mentionne les paroles de tous les ulama, et en premier en commençant par le Coran, après les hadiths du prophète, ensuite les citations des compagnons et ceux qui les ont suivis de génération en génération. Et il y a également le livre du cheikh d'Ibn Qayyim, c'est-à-dire le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, qui a lui aussi également écrit un livre qui ressemble à ça, c'est le livre qu'on appelle Al-Aqida Al-Hamawiyya. Si c'est ça? Non, c'est Al-Hamawiyya. Et dans Al-Hamawiyya, il cite toutes les paroles de différents a'imma et les ulama qui parlent de cette sifayane. Mais il a parlé de ça aussi dans d'autres livres. Mais Al-Hamawiyya, c'est un livre ouais, qui a précisé sur ce sujet et il mentionne des paroles de beaucoup de ulama qui montrent qu'ils ont affirmé cette aqida. Donc c'est juste pour vous donner quelques fawaïd en passant, il y a quelques points intéressants en passant, il y a comme ça, vous allez être curieux de vouloir aller voir ce livre-là, inshallah, par vous-même. Et puis, alhamdulillah, si Allah vous facilite les choses, inshallah, pour être capable de vous trouver des cassettes ou des fichiers là, sur Internet, vous allez en trouver, c'est sûr, de différents parmi les grands savants de l'islam d'aujourd'hui qui ont donné des cours pour expliquer ces livres-là de l'imam Ibn Taymiyyah, comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami, Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, et d'autres parmi les ulama qui ont... Ouais, vous pouvez trouver ça dans plusieurs sites salafis, où vous trouvez les dourous de plusieurs parmi les savants qui ont expliqué ces livres-là, yani. Et donc, moi je vous encourage, Inch'Allah, si vous êtes capable, si vous avez la patience, d'essayer d'écouter ces cassettes et de les suivre avec les livres. Et les livres sont même disponibles sur Internet, aussi, vous pouvez les télécharger et les lire sur Internet si vous voulez. Sinon, vous pouvez les acheter dans certaines librairies, vous allez les trouver. Et puis, quand vous allez suivre avec les chouyours, vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui. Subhanallah. Donc, c'est vraiment une chose qu'on a, une possibilité qu'on a de nos jours avec les cassettes et tous les moyens technologiques qui n'existaient pas à cette époque-là. C'est-à-dire, qui n'existaient pas à l'époque des salafs et que Allah nous a donné aujourd'hui et que malheureusement, on n'a pas la baraka. On n'a pas la baraka. Donc, comme tu imagines toutes ces techniques-là qu'on a, on n'a même pas assez de temps, on dirait, pour en profiter comme on voudrait. On dirait que le temps est trop court, puis on n'a jamais assez de temps pour prendre même pas 30 minutes pour s'asseoir et juste écouter un darf et essayer d'apprendre un petit peu. Donc, c'est juste une note de comparaison. Donc, l'imam Az-Zahiri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu aimes, ya Abdullah, au serviteur d'Allah, d'être juste, alors arrête-toi avec Yannis, c'est-à-dire arrête-toi devant les textes du Coran et de la Sunna, et puis par la suite, regarde ce qu'ont dit les Sahaba et les Tabi'oun et les imams du tafsir, de l'explication du Coran, au sujet des versets qui sont mentionnés, et au sujet des hadiths également. Et ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de la compréhension et de la voix des salaf au sujet de ces noms-là et de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent wa min mazahib as-salaf fa inna an tantiq bi'ilm, donc soit tu parles avec connaissance ou bien tu te tais, hein, tu te tais avec hulm. C'est pas vraiment la patience, c'est plus entre la patience, comme je l'ai dit, c'est entre la patience et la sagesse, ça a ce sens-là, ça nous donne une petite idée quand même. C'est pas ça? Parce que Halim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Halim. Ah ok, Al-Hul, ok, oui, le rêve. Non, Bihim. Tu vois, hein, l'arabe, des fois, tu changes quelques voyelles, ça change le mot complètement. Hilm et hulm. Hulm, c'est le rêve, et hulm, c'est quelque chose complètement d'autre. C'est comme il y a des frères, quand on apprenait l'arabe au début, on disait la différence entre qalb et kalb. On avait la misère à prononcer le qaf. Alors, si tu te trompes avec cette lettre, si vous calme, vous dire calme. Ça change le sens complètement. Parce que calme c'est le cœur et calme c'est le chien. Hein? Donc c'est quoi qu'il dit? On avait dit une fois une phrase, ça me faisait rire. C'est comme lapidé, hein. C'est deux choses différentes. Ah oui, c'est une petite lettre qui change tout un sens, là, subhanallah. Après, le chef dit, وقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها احتاجوا إلى إظهارها ذلك لما بغزت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة وينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة وربما التبس الأمر على عامة الناس فها هنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. نعم. Donc le chef dit, les gens, أهل السنة ont eu besoin de démontrer le mazhab des salaf et de le montrer aux gens. Hein? Ceux qui, que personne n'a de doute que ce sont eux les gens de la Sunna qui sont bien connus comme étant ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui défendent la Sunna. Donc ils ont eu besoin de montrer la Sunna ou de montrer le mazhab du salaf lorsque les gens de Bid'a sont apparus, hein, durant des siècles après, et que sont apparus des gens de Bid'a et de division. Donc c'est ces groupes-là et ces sectes-là sont apparus et ils ont commencé à appeler les gens à leur voix et à leur Bid'a et à faire croire aux gens que ce sont eux qui sont sur la vérité et que ce sont eux le groupe sauvé, et ils essaient d'utiliser des preuves de ça pour essayer de montrer que leurs paroles et leurs voix sont vrais, en essayant d'utiliser des versets dans le Coran et des hadiths de la Sunna et de les interpréter selon leurs opinions personnelles. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de déformer le sens de ces versets-là et de ces hadiths-là pour démontrer leur position à eux. Donc ils les font sortir de leur sens apparent pour leur donner une signification différente, pour faire croire que leur position c'est telle qui est la bonne, et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils appellent, c'était eux qui suivent réellement le Coran et la Sunna. Et à certaines époques même, il y a beaucoup de gens qui ont été trompés au point de, parmi les musulmans en général, qui sont arrivés même à croire que ce qu'ils disaient, yani, c'était ça qui était vrai. Donc les gens ont eu besoin, à partir de ce moment-là, de démontrer, d'exprimer et d'expliquer aux autres la réalité de la voie des salafs, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est pour ça que les gens de ilm, parmi les imams de Ahl al-Sunnah, ont fait beaucoup d'efforts pour clarifier cette voie. Hein. Et ce qu'ils ont clarifié, ce qu'ils ont mentionné, et ce qu'ils ont dit au sujet des points de la croyance islamique, c'est les paroles en réalité de ceux qui nous ont précédés parmi les imams des salafs. Donc par exemple, si les gens de Bid'a arrivaient avec une sorte d'idée ou une croyance, ou une croyance, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient, les ulama de cette époque-là, ils mentionnaient qu'est-ce que leurs chouyours et les gens qui les avaient précédés avaient dit à ce sujet-là. Et là, ils démontraient en même temps que ceux qui étaient avant eux n'ont jamais connu cette innovation-là. Hein? Donc, en fait, une des façons des salafs pour réfuter ces innovations-là, c'était de montrer en réalité que les salafs n'ont pas connu cette bid'a. Ils n'appelaient pas à cette chose-là. Donc, c'est une preuve qu'elle ne fait pas partie de l'islam. Hein? Et donc, ça, c'est un exemple comment il le respecte. Après, il dit, et donc, c'est ça, il mentionnait ce que les autres ulama avant, parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis, ont cru et ont dit, pour que ceux qui les ont contredits, ou ceux qui sont allés en contradiction avec ce que les salafs ont fait, pour que les gens sachent que ceux qui ont contredit les salafs sont dans l'égarement et que c'est pas la position des salafs qu'ils défendent et que c'est pas leur guidance qu'ils suivent, mais qu'en réalité c'est des paroles qui font partie des paroles des gens de bid'a et de division. Et la référence de ces explications là, c'est un livre qui s'appelle Al-Wasatiyya bayna Ahli Sunnah wa bayna Al-Firaq. Et c'est un très bon livre en fait, un livre qui explique le principe que Ahl-Sunnah c'est le groupe du juste milieu, c'est le groupe de l'équilibre et de la modération. Et il montre dans ce livre-là des exemples clairs de ça, justement d'une façon très claire, très précise, très intéressante, mashallah. Donc c'est un livre qui... Non, c'est un autre livre, ça s'appelle Al-Wasatiyya. Et ça a été écrit par un chef qui est vivant encore aujourd'hui. Je pense que je me trompe pas. Je ne sais pas si c'est une thèse, doctorat ou magistère, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le livre, il a été écrit, c'est un livre qui est pas contemporain, mais il a bien expliqué cette notion. Et à l'Ouassatiya, je sais que cette notion-là, elle a été expliquée déjà par d'autres ulama bien avant. Même Ibn Taymiyyah dans son livre, il a des livres, dans son fatwa, il a des textes là-dessus. Sauf que ce chef-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené des exemples, en citant des exemples des firaq. Et il a ramené chaque point de l'aqidah des salaf. Hein, par exemple, Asma al-Sifat, al-Qadar, al-Iman, et beaucoup d'autres questions. Et là, il a montré les gens qui ont dévié, les extrêmes qu'ils ont pris. Et ensuite, il a montré la position des salafs de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Et là, il a montré comment les salafs sont entre ces extrêmes. Entre ces extrêmes. Donc, c'est un livre très, très intéressant, mon cher Abdel. Al-Ghazali qui parle d'Abu Hamid al-Ghazali, celui qui a écrit Ihya al-Muddin. Non, il ne fait pas partie des imams de Ahl al-Sunnah, c'est-à-dire lui, c'est un parmi les gens de Bid'a. Il y a des gens qui ont dit par la suite qu'il n'a fait pas au bas avant sa mort, qu'il est revenu à la Sunnah. Donc si c'est le cas, alhamdulillah, oui, c'est un imam de Ahl al-Sunnah. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il n'est pas un imam de Ahl al-Sunnah. Mais une chose est claire, c'est que dans ses livres, dans plusieurs de ses livres, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui sont en opposition avec la voie des salafs. Déjà, l'imam al-Ghazali, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la philosophie, il est rentré dans le tasawwuf, dans la bid'a des soufis, il est rentré dans l'ilm al-kalam, la bid'a d'ilm al-kalam et des asha'ara, et en fait c'est un des personnes ressources en ce qui concerne l'aqida des asha'ara, c'est de ces livres que les gens la prennent comme référence, comme exemple. Et une chose aussi que beaucoup de gens peut-être savent pas, c'est que il y a un qui s'appelait Ibn Tumar, on a parlé de lui déjà, Ibn Tumar. Ibn Tumar, c'était un des gens qui venaient du Maroc ou de l'Espagne, si je ne me trompe pas, qui était parti étudier en Orient, pour étudier en Orient. Et une des personnes avec qui il avait étudié, c'était Al-Ghazali. Et il a pris de Al-Ghazali la Aqida Ash'ariya. Okay? Et il est retourné au Maroc avec, et il a commencé à appeler les gens à suivre cette Aqida. Et en fait, les gens ont commencé à le prendre comme un Mahdi. Et ils ont commencé à appeler les gens à l'obéir. Et les gens ont tellement exagéré à son sujet, que toute personne qui contredisait cette Aqida d'Ibn Tumar, automatiquement était exécutée. D'accord? Et ceux qui ont suivi Ibn Tumar après sa mort, c'est eux qui ont établi l'État ou la dynastie qu'on appelle Al-Mu'ahidoun. Al-Ghazali, oui, c'est un des. Son livre, il a été brûlé devant la porte d'une mosquée en Andalus, Hir-ul-Muddin. Et à son époque, lorsque ce livre est sorti, beaucoup des ulama d'Ahl-Sunnah ont dénoncé ce livre et l'ont blâmé. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de toutes sortes de hadiths qui sont dans le Doua, sont fabriqués, qui étaient remplis de paroles même de certains soufis qui sont des paroles de. Il y a une certaine fois qui rentre dans le coffre même. Hein? Et encore, il y a une qui rapporte des paroles des Bapinis, hein? Les gens de l'Ésotérisme et de toutes sortes de garments. Et si vous regardez actuellement dans le monde musulman, qui fait la promotion de Al-Ghazali et qui fait la promotion de ses livres et de ses idées, eh bien, vous allez remarquer que ce sont en majorité des soufis, des Asha'ira, les gens de Balad. Ils utilisent Al-Ghazali comme un moyen de faire une propagande pour ses bid'ah et ses voies d'égarement. D'accord? Donc, au sujet de Al-Ghazali, il faut savoir qu'il a été critiqué par plusieurs grands savants de son époque et après lui. Donc, ça c'est quelque chose que les gens qui font sa promotion essaient de cacher, hein, ou refusent d'accepter et refusent d'admettre. Ils veulent uniquement rappeler les choses qui sont positives à son sujet. Donc il y en a parmi les gens qui l'appellent Hujjatul Islam. Et déjà même ce terme-là est un terme innové. Hujjatul Islam. Ça n'a pas de référence. Ça n'a pas de fondement. Il y a des ulama qui ont rejeté cette appellation-là à son sujet. Et puis, il le glorifie parce qu'il a étudié la philosophie, ces choses-là. Alors, comme on a expliqué la dernière fois, les raisons pour lesquelles il a étudié la philosophie en premier lieu, c'était même pas pour les réfuter, c'est parce qu'il recherchait, il avait des doutes. À un certain moment donné, il a eu des doutes, c'est pour ça qu'il est entré dans la philosophie. Et ensuite, il a vu que la philosophie était quelque chose de futile, quelque chose de perte de temps et inutile. Alors, il a réfuté la philosophie par la suite. Et par la suite, il est rentré dans le soufisme. Parce qu'il croyait encore là trouver une réponse à ses doutes et à ses questions. Donc, c'est une personne qui était un peu troublée, hein, qui a eu beaucoup d'instabilité dans sa croyance et dans sa vie. Allahu a'lam, c'est une chère. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que Ibn Taymiyyah, il a étudié lui-même, on avait dit ça, la philosophie, mais uniquement dans le but de réfuter. Hein, et que lorsqu'il a étudié la philosophie, il a étudié après avoir déjà établi une base solide dans l'aqida, et des fondements et des principes clairs. Il a mis son père, son grand-père était un savant, son père était un savant, donc Ibn Taymiyyah a grandi dans une maison de ilm, Hein, et donc, à 18 ans, il était déjà cheikh. On l'appelait cheikh. Et il commençait déjà à donner des fatwas à l'âge de 18 ans. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire que c'était pas n'importe qui. Et c'est pas comme quelqu'un là qui s'improvise et qui commence à entrer dans l'étude de la philosophie, là, comme Tariq Ramadan, qui enseigne la philosophie en Europe. Et puis, hein, par la suite, qu'il étudie même pas pour la réciter, mais pour, comme si on veut dire qu'il veut en profiter de cette philosophie-là pour essayer de propager ses propres idées et puis tout ça. Donc, voilà, c'est triste de voir ces choses-là, mais c'est quand même important de comprendre la position vis-à-vis de Mohamed Al-Ghazali. Et bien, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous donne un livre d'Al-Ghazali, c'est en Europe, puis même ici, les livres qui sont traduits en français, souvent, qui se vendent dans les librairies par les non-musulmans, c'est des livres soit traduits ou écrits par des soufis, ou bien par des chiites, ou bien par des modernistes, ou des orientalistes. Donc ça, c'est eux qui dominent, qui contrôlent l'édition des livres islamiques dans les pays des Koufars. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et puis dans certains pays, même dans certaines maisons d'édition musulmanes, traditions islamiques, eh ben il y a beaucoup parmi ces gens-là qui ont des tendances de soucis. Traduire ces livres-là, Yannick. Au Liban, comme vous savez, il y a de tout. Il y a toutes les sectes, toutes les religions que vous pouvez imaginer. Et il y a toutes les bid'as que vous pouvez imaginer. Donc il faut faire attention lorsque vous prenez des livres du Liban aussi. Et les traductions parfois sont pas toujours donc ils traduisent souvent les choses littéralement sans comprendre le langage de la science qu'ils traduisent. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que ils vont traduire un mot en se basant juste sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le dictionnaire, même si le terme islamique c'est pas du tout la même chose que ce qu'ils ont utilisé comme traduction. Donc, méfiez-vous de ça. Donc, on est arrivé à un autre point, le point numéro 3, جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. Et on va lire ce point-là aujourd'hui, puis lorsqu'on va arrêter à celui-là, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, le Cheikh dit, ومن المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف والدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. Le Cheikh dit qu'il est bien connu que la da'wa, l'appel à suivre les salafs, ou l'appel à suivre la salafia, c'est une da'wa, c'est un appel à suivre le vrai islam, l'islam réel, et à suivre la sunna telle qu'elle, et c'est un appel à revenir à l'islam comme il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'ont reçu les sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il continue, il dit, فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. Donc le cheikh il dit, et il n'y a pas de doute que l'appel à cette da'wa, est un appel de vérité, et que d'y appartenir est vérité, ça fait partie de la vérité de se dire salafi. Le titre de ce chapitre ou de ce point, c'est la permission, le fait qu'il est permis de se dire salafi, ou de dire qu'on suit à salafi. Hein, ça c'est le sujet de ce chapitre. On doit se dire salafi. On doit se dire sunni et on doit se dire salafi aussi. Mais attends, on va lire ça, on va expliquer, après on va comprendre, Inch'Allah. Donc, le cheikh il dit, donc il n'y a pas de doute que cette da'wah est une da'wah de vérité. Et que de s'appeler salafi ou de se prétendre ou de prétendre appartenir au salaf, c'est la vérité. Et les imams, il n'y a pas de doute que les imams de l'islam, parmi les gens de la sunna, c'est eux qui ont eu une grande influence, un grand impact dans le fait que cette da'wah s'est répandue. Il y a un appel à suivre la sunna et de revenir à la voie des salaf et de suivre leur méthodologie et de les prendre comme exemple. Ça c'est une chose que les imams de l'Ahl-Sunna ont toujours fait. Et parmi l'exemple de ces imams-là, le cheikh il mentionne une série de noms. Et il commence en disant « وَمِنْ هَؤُلَا الْأَئِمَّةِ إِمَامُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامُ أَحْمَدِ بْنُ حَنْبَلِ وَالْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقِ بْنُ خُزَيْمَةِ والإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجوري والإمام أبو عبد الله بن بطة العتبري والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده ممن من بعده الإمام أبو عبد الله ابن تيمية وتلميذه هو نعم مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقى أسس دينه وعقيدته من كتاب الله أو يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ويقاوم كل طيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. Le cheikh il mentionne les noms que vous avez entendus, sans besoin de les répéter, je pense que vous avez compris. Et puis, donc, il dit aussi, après, comme il dit cheikh l'islam, il termine en mentionnant cheikh Mohammed Abdul Wahab, et ses élèves qui ont propagé cette da'wah après. Et ça a été une des causes qui ont fait que, à travers l'histoire, il y a toujours eu cette tendance salafie qui a toujours persisté au courant de l'histoire islamique. Ok? Et puis, ce courant ou ces imams-là, à travers l'histoire, eh bien, ils ont toujours extrait les fondements de cette religion et de cette aqidah du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la vie et de l'exemple des salaf salih. Parmi les Sahaba, les Tabi'in et ceux qui les ont suivis, durant les trois premiers siècles qui sont, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré comme étant les meilleurs, et ils ont toujours répondu et contre-attaqué à toute tendance de bid'a qui essayait de sortir, de ces fondements-là et de ces bases-là qu'on a compris. Donc, le cheikh, il dit, il commence maintenant à donner des exemples, il dit, إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان وهو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذه citation de l'imam Ibn Taymiyyah. Il nous montre qu'il n'y a aucun blâme pour celui, il n'y a aucun blâme ou aucun défaut pour une personne qui se dit ou qui montre le mazhab des salafs, ou qui se dit salafi, et qui prend ça comme, qui est fier de montrer qu'il est salafi. Il n'y a aucun blâme et aucun défaut, aucun mal à ça. Et le cheikh, il insiste et il continue en disant « Bal, yajibu qaboul zalika minhu. » Il est obligatoire d'accepter ça de lui. Hein? Parce que, pourquoi? Parce que le madhhab, la voie des salafs, ne peut qu'être la vérité. Ça, c'est les citations de l'imam Ibn Taymiyyah, c'est dans le volume 4, la page 149. C'est obligatoire de se dire salafi ou d'accepter ça de la personne qui le dit. C'est-à-dire, d'accepter, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être, de dire que tu es salafi. C'est obligé d'accepter ça. Et on va voir par d'autres citations aussi l'explication de ça encore plus clairement, inshallah. Il dit aussi, un autre exemple, وقال السمعان في الأنساب. Il dit, dans son livre, Al-Ansab, l'imam السمعان, il dit, السلفي بفتح السين واللام في آخرها الفاء في آخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم. Donc ça c'est un livre de langue arabe, c'est un linguiste, et il dit, il décrit le mot salafi, il dit que c'est les bases de ce mot, c'est les trois racines, c'est le fa, le sin, le lam et le fa. Et ça, c'est une appartenance aux salafs. Et de suivre leur voie, et de suivre leur voie selon ce qu'on a entendu d'eux. Et il cite encore un autre alim qui s'appelle Ibn Nathir, après qui a commenté la parole de As-Sam'ani qu'on vient de citer, et il dit « وَعُرِفَ بِهِ جَمَعَةً » et un groupe de gens ont été connus par ce nom. Après il dit وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية. Donc il dit كما أطلقه على عدد من العلماء انظر بيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض العقل والنقل. Donc ابن تيمية lui-même a donné ce nom-là à un groupe parmi les ulama qui, ou à certains livres qui ont présenté la position des salafs au sujet du fait qu'Allah est au-dessus de sa création, il les a décrits comme étant salafis, ou comme étant des salafis. Donc ça montre aussi que c'était une chose qui était acceptée par les imams. Un autre exemple, c'est les paroles de l'imam al-Zahabi, il dit « Rahimahullah fi sir » سير أعلام النبلاء بالفوليوم 12 لباش 380 فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا. Donc il dit ce que l'imam, ce que le hafiz a besoin de posséder, c'est qu'il soit craintif d'Allah, qu'il ait la crainte d'Allah et qu'il soit intelligent, zakiya, et qu'il soit salafi, sur la voie des salafis. Ça, c'est les caractéristiques du hafiz. Celui qui mémorise le Coran et la Sunna. Après, il dit, وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي السِّيَرِ. Encore une fois, dans ce même livre, l'imam al-Zahabi dit, عَنِ الدَّارَقُطْنِ, selon les paroles de l'imam al-Dara-Qutni, qui est un autre des imams d'Ahl-Sunna, qui dit, رَحِمَهُ اللَّهُ, لَمْ يَدْخُلَ الرَّجُلْ أَبَدًا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَلَا الْجِدَالِ. Voilà, qu'adha fi zalika, bal kana salafiyan. En décrivant Ad-Daraqutni, hein. Imam al-Zahabi dit, en décrivant l'imam Ad-Daraqutni, il dit, il n'a jamais entré dans le ilm al-kalam. Et il n'a jamais entré non plus dans les disputes de philosophie et de ces choses-là. Mais, en fait, c'était un salafi. Donc, ça montre que, le terme salafi s'est opposé à ces principes de bid'a comme al-kalam et al-khawd et les autres choses. Ok? Donc ça c'est des paroles des citations des imams qui disaient bien avant Cheikh al-Albani, bien avant Muhammad Nasiruddin al-Albani, bien avant Cheikh bin Baz et tout, et qui vivaient dans le temps, dans les siècles bien avant nous, et qui ont tous affirmé ce terme, bien nous, de salafia. Et qui affirmaient. Parce qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que la da'wa salafia, c'est une chose qui est inventée dans notre siècle, par certains chouyours qui vivaient récemment. Alors que ça a toujours été connu, ce terme. Même les imams comme Al-Bukhari et l'autre, quand ils parlaient des sahaba, ils disaient non salaf, salaf sunnah. Oui, même à l'époque de l'imam Al-Bukhari et d'autres. Donc c'est pas quelque chose qui est à inventer nouvellement là. C'est pas une idéologie, quelque chose qui est nouveau là. Et après le cheikh il dit, qultu, le cheikh il dit, في عصرنا الحاضر أطلق هذه التسمية وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وفي كتابه القائد إلى تصحيح العقائد والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله في رسالته تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن عبد العزيز رحمه الله هل هذا السؤال وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله الشيخ الزيان خليل يابا دانا فتوك فجاه parmi les grands ulama qui ont utilisé cette appellation, ce terme, cette appartenance, et qui l'ont accepté, et qui ont été connus pour leur accrochement à la sunna, et pour leur défense de la sunna. Et ils mentionnent comme exemple un des ulama du Yémen, un des grands ulama du Yémen, qui est Abdurrahman al-Mu'allimi, rahimahullah. Il est mort en 1386 Hijri. Et c'est dans son livre Al-Qa'id al-Tasrih al-Aqa'id. Et aussi l'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, dans son livre dans lequel il a critiqué Muhammad Ali al-Sabouni dans son tafsir pour certaines formes de ta'wil qu'il a fait, certaines déformations de certaines attributs d'Allah. Dans son tafsir, je pense que c'est Safwat al-Tafsir, ça s'appelle. Donc, dans son tafsir, Muhammad Ali al-Sabouni, il a commis certaines erreurs et le cheikh Ibn Baz a répondu à ces erreurs-là et a corrigé ces problèmes-là qu'il a dit dans son tafsir au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, le cheikh, il dit qu'on a posé la question au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, ما تقول في من تسمى بالسلف والأثر هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. Donc ça a été pris d'une conférence qu'on appelle Haqqul Muslim, qui a été donnée à la ville de Taif. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a posé la question au Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce que tu dis de la personne qui se dit salafi ou qui se dit Asari? Est-ce que c'est une tazkiya? Est-ce que c'est comme une sorte de comme certaines personnes ils prennent ça comme quelque chose comme une vantardise ou une sorte de fait de dire je suis salafi ou des choses comme ça? Est-ce que ça fait partie d'une tête qui a comme si tu te purifies toi-même ou si tu dis que tu es droit ou que tu es correct, comme si tu es toi-même comme les salafs? Ouais. Certaines personnes ont cette idée-là. Ils disent si tu dis que tu es salafi, c'est-à-dire que tu dois être exactement comme les salafs dans tout leur caractère et leur piété et leur comportement et leur connaissance et tout. Et ça, c'est faux, Yann. Oui. Parce qu'une personne qui est salafi, c'est qu'il prend leur méthodologie, Et il essaie de les imiter et d'être comme eux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais capable de atteindre leur niveau, ou leur compréhension, ou leur piété, ou leur crainte d'Allah, ou leur adoration. Hein? Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et ça ne veut pas dire ça. Et le chef, en fait, il explique et il dit, le chef, il a répondu en disant, si la personne qui dit ça, elle est sincère, qu'elle est salafi ou qu'elle est affari, il n'y a pas de problème. Comme les salaf disaient, un tel est un salafi, un tel est affari. C'est une preuve qui est nécessaire. C'est une preuve qui est obligatoire. C'est-à-dire, c'est obligatoire de l'avoir, cette preuve qui est. Tu peux pas dire que tu l'as pas, c'est comme si, en fait, si tu le dis pas, c'est comme si tu dis, c'est comme si quelqu'un dirait que de se dire sunni, c'est comme si tu te vantes que tu es sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tu suis tout les choses de la sunna. Ça veut pas dire ça. Sauf que ça veut dire que tu sais ce que tu peux de la sunna et que ce que tu es capable et que tu essaies de suivre les principes de la sunna. C'est-à-dire que tu viens pas avec aucune chose qui est en contradiction avec les fondements de cette sunna, comme une bid'a ou une déviation, une chose de ce genre. Hein? Mais tant que tu es sur la même compréhension qu'eux, la même méthodologie qu'eux, donc tu es un salafi. Même si tu fais des péchés, hein? Donc quand tu fais un péché, tu fais quoi? Tu fais comme les salafs. Tu demandes pardon à Allah, tu te repens. Hein? C'est ça la voie des salafs. Ça ne veut pas dire que tu vas être infaillible, mais que tu vas être parfait, et que tu vas faire aucune erreur, et que tu vas jamais te tromper ou faire un péché. Non. Sauf que ça veut dire que lorsque tu vas commettre une erreur, lorsque tu vas faire un péché ou quelque chose de ce genre, tu vas suivre l'exemple des salafs en te repentant et en essayant de corriger ton erreur et d'accepter la vérité. Donc c'est ça. Après, arrive. Pas de question pour Abdullah. Non. Ok. Donc, on va continuer. On est presque fini. Le chef, il dit, والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بكتابه مختصر العلوم ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية وكتبه التوسل وكتابه التوسل والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها فقال السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العبادة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج يا سبحان الله نفسه clear. Donc le cheikh il explique et il dit que aussi parmi les savants qui ont supporté et défendu cette appellation, il y a l'imam Muhammad Nasruddin al-Albani, qu'on connaît tous, et dans plusieurs de ses livres, comme Muqtasar al-Ulum, et l'introduction de la Aqid al-Tahawiyya, hein, et dans son livre Al-Tawassul, et beaucoup d'autres de ses cassettes et de ses livres, et il y a un des imams qui a passé sa vie à défendre cette foi. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a même pas mentionné d'exemple. Il y a eu des paroles du chef parce qu'il est tellement connu comme étant un salafi qu'il n'a même pas montré d'exemple. Et par la suite, il parle du chef Al-Fawzan, Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, dans son livre Al-Ajuba Al-Mufida, les réponses bénéfiques, à la page 33. On lui a demandé qu'est-ce que c'est Al-Salafiyya et est-ce que c'est obligatoire de suivre son manhaj et de s'y accrocher. Et l'imam Cheikh Al-Fawzan, celui dont on est en train d'étudier son livre le dimanche, Al-Irshad, Al-Sahih, Al-Irtiqad, il a répondu en disant « Al-Salafiyya, hiya as-siru ala manhaj al-salaf min al-sahaba wa al-tabi'ina wa al-qurun al-mufaddala fi al-aqida wa al-fahm wa al-suluk wa yajibu ala al-muslim suluk wa hadha al-manhaj » La salafiyya, c'est-à-dire de suivre la voie ou la méthodologie des salafs, parmi le Sahaba et les Tabi'in et les trois meilleurs siècles. Et ça c'est dans la croyance et dans la compréhension et dans le comportement. Hein, et ça c'est obligatoire aux musulmans de suivre cette voie. C'est obligatoire de suivre cette méthode. Il n'y a pas de choix, c'est pas optionnel. C'est pas optionnel. Non. Si quelqu'un vous demande est-ce que vous devez être salafi, est-ce qu'on doit être salafi, tu dis c'est pas optionnel, it's not optional. Non, compulsory. Hein? Donc, et puis il y a des gens par exemple, ils n'acceptent pas le nom, mais ils acceptent le principe. C'est-à-dire, ils vont accepter le principe que tu dois suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Donc tu lui dis, subhanallah, si tu dois répéter ça à chaque fois, c'est long. Pourquoi pas raccourcir ça et juste dire salafi, voilà. Et c'est ça que l'imam Mohammed Nasruddin al-Albani a dit à la personne avec qui il discutait, yani sur ce sujet-là. Et il lui a dit, ouais, un de ses invités, il lui a dit, subhanallah, tu es d'accord avec moi qu'il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafis salih. Il a dit, oui, je suis d'accord avec ça. Donc, tu raccourcis ça, tu te dis salafi, et ça veut dire la même chose. Parce que tu vas répéter à chaque fois cette phrase. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Et donc, après le cheikh, il continue et il dit, ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي ناصر الفقيه في كتابه الفتح المبين في الرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. Donc le cheikh cet imam ناصر الفقيه qui dit فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو ما سار على منهاج السلف وطريقتهم، وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة، طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم كمحمد أبي زهرة ومصطفى شكعة ومحمد ابن سعيد البوطي وغيرهم، وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم، وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل وتجددت على عهد ابن تيمية والإمام محمد ابن عبد الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب، ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمانية لا مذهب إسلامي كالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. دونك الشيخ الفقيه الذي dans son livre qui s'appelle الفتح المبين في الرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين، لو شيخ يزي ces gens là parmi les gens de science et autres, ils n'ont يعني pas des ulama qui ont affirmé al-salafiyya. Ils disent ces ulama là n'ont vu aucun problème dans le fait de d'utiliser le terme salafi ou salafiyya ou salafiyoun. Ils n'ont vu aucun problème dans le fait d'utiliser ces termes-là. Et ils ont compris que la signification de ça, ça veut dire de suivre ce que suivait ou d'être sur la voie des salafs et sur leur chemin. Et parmi les écrivains contemporains, parmi ceux qui ont écrit sur les différentes voies islamiques ou les différents sectes islamiques ou les différentes écoles islamiques comme on les appelle, eh ben il y en a qui ont dit que les salafiyoun sont ceux qui suivent ceux qui les ont précédés parmi les imams, et que c'est un groupe particulier qui est différent, qui se différencie des autres. Et les gens, parmi les gens qui ont donné cette définition là, il y a un qui s'appelle Mohammed Abi Zahra, et Mustafa Sha'ka et Mohamed Saïd Al-Bouti. Et ce dernier-là, Mohamed Saïd Al-Bouti, c'est un soufi, et puis il vit, je pense, si je ne me trompe pas, en Syrie, et il a écrit même un livre qui s'appelle As-Salafiyya, dans lequel il essaie de décrire As-Salafiyya à cette méthode-là, à cette manière-là. Et Alhamdulillah, les ulama, ont, beaucoup de chouyoukh ont répondu à ce livre-là, et ils ont montré ces erreurs, et ces erreurs et ces contradictions. Beaucoup des gens, par exemple, qui essaient d'attaquer la da'wa salafia, les salafis, ils essaient de retourner à ce livre-là que ce cheikh a écrit pour essayer de trouver des réfutations, des arguments pour contre-attaquer les salafis. Alhamdulillah, ils n'ont pas vraiment de support ou d'arguments forts là-dedans parce que, déjà en partant, sa notion même, comment il a compris qu'est-ce que signifie da'wa salafiyya, c'est contraire même à la signification réelle de la da'wa salafiyya. Donc il dit, le chef, il dit, et d'autres parmi autres que Al-Bouti et les autres, ils ont dit qu'ils ont considéré que le salafiyya c'est un groupe spécifique qui a été connu par ce nom-là, et ils ont essayé de montrer l'évolution historique de ce groupe et le chemin que ce groupe a emprunté, et ils disent par exemple que c'est une extraction de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui s'est renouvelée à l'époque d'Ibn Taymiyyah, puis qui s'est renouvelée à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils croient que les salafis sont ceux qui se sont donnés à eux-mêmes ce titre réel. Donc, parmi ceux qui croient que le madhhab salafi c'est une évolution historique, temporelle, et que ce n'est pas un madhhab islamique, il y a justement ce docteur Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti. Donc, c'est ça. Donc, déjà là, on voit que comment il a essayé d'expliquer que c'est une extraction d'une école qui vient de Ahmad ibn Hanbal et tout ça. Donc, déjà, nous, on sait très bien que le mazhab des salaf, il vient pas de l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais il vient en fait des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis bien avant l'imam Ahmad. Hein? Parce que même avant l'imam Ahmad, il y avait des l'imam qui réfutait les gens de Bid'a et les gens qui parlaient des attributs et des noms d'Allah. Hein. Par exemple, l'imam Fiyad al-Thawri et les autres, Abdullah ibn Mubarak, l'imam Malik, et d'autres avant qu'on a mentionné déjà. Donc, tous ces imams-là, qui vivaient même avant l'imam Ahmed, ont été sur cette voie-là. Et c'était clair, Yannick. Donc, il y en a beaucoup qui essaient de faire retourner cette voie à Ibn Taymiyyah ou à l'imam Ahmad ou à Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors qu'en réalité, ça vient depuis le temps des Sahaba et ceux qui les ont suivis d'Ihsan. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et le Cheikh dit, « Sawa as-saha anna du'at al-awda ila madhhab al-salaf, hum alladhina atlaqu ala anfusihim hadha al-laqab, am atlaqahu alayhim ghayruhum, ثم عرفوا به فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. Donc le chef il termine et il conclut ce qu'il a dit précédemment en disant peu importe que les gens qui appellent, peu importe si c'est vrai que les gens qui appellent au mazhab des salaf, ce sont eux-mêmes qui se sont donné ce nom-là ou que ce sont d'autres personnes qui leur ont donné et ils se sont fait connaître par la suite par ce nom-là, il dit ça ne dérange pas parce qu'en fait on n'a pas connu parmi les imams qui ont précédé, parmi les imams d'Ahl-Sunnah et ceux qui les ont suivis, sur leur voie jusqu'à notre époque aujourd'hui, on n'a pas connu aucun d'entre eux qui a rejeté ou qui a refusé cette appellation, hein, et qui ont essayé de, qui, ou on n'a connu aucun d'entre eux qui a mis une opposition ou une objection à l'utilisation de ce titre à leur sujet. Donc le moins qu'on peut dire au sujet de ça, c'est qu'il est permis de l'utiliser, d'utiliser ce titre. Ça, c'est le moins qu'on peut dire à ce sujet-là. Et c'est une appartenance, et que c'est permis d'appartenir à cette appellation-là ou à ce titre-là. Et c'est une terminologie qui a été déterminée par les ulama, et les ulama ont dit qu'il n'y a pas de problème avec les terminologies. La mashaha, c'est l'istilah. Donc, il n'y a pas de problème avec les terminologies qu'on peut se donner. Et après, il dit summa, in al-abra, hiya bil haqa'iq, wal ma'ani, wa laysat bil al-fa'ar, kama taqaddama min al-ma'ani, ma yadullu ala anna al-maqsud bidhalika, huwa ma sa'ara ala minhaj al-salaf al-salih, wa attaba'a tariqatahum. فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم. Donc le cheikh il dit, comme nous avons déjà expliqué plus tôt, et que en fait la réalité, c'est qu'est-ce qui est important, c'est de voir les réalités et non seulement les mots qu'on utilise. Il faut voir qu'est-ce qui est derrière les mots, c'est-à-dire les significations et les buts, les intentions qui sont derrière. Et ça veut dire que l'intention et la signification de salafia, c'est de dire qu'on suit le manhaj des salaf salih et qu'on suit leur voie. Donc il n'y a aucune différence entre le fait de se dire qu'on est salafi, qu'on est sur la salafia, ou de dire qu'on est sur les gens de Ahl Sunna, comme on a déjà expliqué ça précédemment. Et même que beaucoup de gens, par exemple, parmi les gens de Bid'a, s'ils essaient de se dire salafi, eh bien, on va tout de suite savoir, en comparant leurs paroles et leurs actions aux paroles et aux actions des salafs, et à la compréhension des salafs, on va tout de suite savoir si leur voix et ce qu'ils prétendent est en accord réellement avec la voix des salafs ou en contradiction. Et c'est ça la vérité, c'est ça l'importance. Et non seulement le fait de dire le mot ou d'utiliser le terme, hein. Sauf que, il est clair qu'on a le droit de l'utiliser comme terme et que même c'est une obligation même d'appartenir et de faire partie de ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, on va arrêter ici. Après, le Qawli Hadha, on se fait Allah alayhi wa lakum, on se fait Allah alayhi wa lakum, on se fait Allah alayhi wa lakum, on se fait Allah alayhi wa lakum, on se fait Allah alayhi wa lakum, on est capable de répondre à l'heure. Le frère, attends, c'est qui en premier? Vas-y, Abdullah. Ma question, c'est. Naam. Naam. Alors ma question est, est-ce que vraiment on doit continuer à le dire entre les dawas à la fille ou bien pour question de Hikma, je dis que bon, on ne dit pas, ça dépend de tout ce qui est pas la question de l'Ahmadiyya, c'est clair, c'est pour le public, c'est clair, c'est clair. Mais si tu parles au Ahmadiyya, c'est le musulman qui dit, tu vas voir du conquête, tu peux juste ne pas faire des erreurs, tu peux les erreurs, tu dois vraiment dire pour la fille, ça la fille, etc. Comme ça, au lieu de les appeler, ça serait les particuliers, parce que c'est que les médias pourraient être faits à ma carrière. Non. Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu expliques? On en a parlé de ça, alhamdulillah, au début du Dar. Et puis, la question dont tu parles, c'est important en fait. En fait, on a expliqué que les gens qui disent qu'ils sont des salafis djihadis, en réalité, ne sont même pas des salafis. Parce que qu'est-ce qu'ils prétendent est en contradiction avec qu'est-ce qu'ils sont réellement. Et qu'est-ce qu'ils sont est en contradiction avec la voix des salafis. Et dans la question, ou dans quand tu as commencé à parler, tu as dit qu'ils ont la même aqidah que nous. Et ça, c'est pas réel, c'est pas vrai nécessairement. Parce que si tu regardes leur manhaj et leur aqidah, ils ont la aqidah des khawarij. La plupart d'entre les gens qui font partie de ceux qui se disent djihadiyah sont des khawarij. Ils font le... Ouais, ben c'est ça mon frère. Les gens maintenant, c'est parce que beaucoup de gens sont entrés dans la da'wa salafiya par la question ou dans la question des asma wa sifat. Et dans la question des noms et des attributs, comme on l'a dit, et dans la question de Tawhid. Ils sont entrés dans la Salafiyya ou dans le Manhaj des Salaf par cette porte. Sauf que être Salafi, ça ne se limite pas uniquement à cet aspect de la Aqidah des Salaf. Les fondements des Salaf sont nombreux. Il y en a plusieurs fondements. Parmi les fondements du salaf, il y a le tawhid, il y a l'asma wa sifat qu'on affirme et tout. Sauf qu'il y a un autre aspect aussi qui est l'iman, le kufr. Hein? Et il y a eu des khilaf. Et les premiers groupes de musulmans qui sont divisés de l'islam, ce sont les khawarij. Hein? Ce sont les premiers parmi les gens de bid'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Et leur khilaf entre eux et nous est au sujet de l'aqidah. Et c'est des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux que ce sont les chiens du feu de l'enfer et que ce sont les pires êtres humains qui sont parmi ceux qu'on combat, qui sont les pires sous le ciel. Et il a dit il a dit à leur sujet beaucoup de caractéristiques qu'il nous a décrit clairement. Donc ce sont des gens de Balal, et ce sont des gens de Bid'a. Et ils ne font pas partie de Ahlus Sunnah al-Jama'a, ils ne font pas partie des Salafiyoun. Ces gens-là, qui s'appellent Jihadiyya, et qui se disent Jihadiyoun, ils ont essayé de déclarer toute la Ummah comme étant des kuffars aujourd'hui. Et ils ont déclaré que c'est halal de les tuer et de voler leurs biens et de prendre leur argent ou de faire ce qu'ils veulent, yani, parce que ce sont des apostats selon eux, d'accord. Et par la suite, ils appellent les musulmans à faire des révoltes et à se révolter et faire des attentats contre les gouvernements musulmans à renverser les gens qui sont au pouvoir pour essayer de remplacer leur pouvoir par un des leurs. Ok, ça c'est la voie des Khawarij à 100%. Et le fait qu'ils fassent ces choses-là, ces attentats-là, au nom de la salafia, au nom de da'wa salafia, c'est un des plus grands blasphèmes et un des plus grands mensonges qu'on ne peut pas inventer à notre époque. L'important, ou qu'est-ce qui est nécessaire de faire actuellement, c'est de justement clarifier. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De justement clarifier pour la Ummah et pour les musulmans la différence qu'il y a entre la da'wa salafia et entre ce que eux font, et de montrer que tous nos imams, les imams d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a, tous les ulama sont contre ce que ces gens-là ont fait. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc puisqu'ils sont contre, puisqu'ils sont en contradiction avec ça, et que ceux-là, la plupart, ce sont des ils sont des duhal, des gens qui suivent leur passion. Donc, alhamdulillah, ils n'ont rien à voir avec la da'wa salafia. Et quand on clarifie ça aux awam, comme tu dis aux gens ordinaires, et aux communs des musulmans, et même aux kuffar, c'est là que la réalité de la da'wa salafia va être exprimée et clarifiée. Et c'est ça qui va faire que beaucoup de gens vont accepter cette da'wa et ils vont être au courant par la suite que ce que ces gens-là font, c'est contraire avec la voie des salafs. Pourquoi? Attends, il y a un point. Non, attends. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que c'est quand tu salues le nom des salafis, non, je sais. Non, je comprends. Mais quand on dit que le nom de salafia est sali, c'est comme si tu, eux, qu'est-ce qu'ils font en réalité, ces gens de bid'a? C'est qu'ils sont en train de, écoute bien qu'est-ce que je veux dire. Ils sont en train de dire que ce que eux sont en train de faire actuellement, c'est l'exemple des salaf. Donc, ils sont en train de mentir et d'attribuer aux salaf qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. Et donc, c'est de notre devoir, selon notre capacité, selon notre connaissance, d'enlever cette accusation-là sur le dos des salafs et de purifier la réalité de qu'est-ce que cette da'wa signifie et représente. Parce que c'est pas vrai que ce que les salafs ont enseigné et ont appelé, c'est de faire ce que ces gens-là font. Et donc, de les laisser et d'essayer de trouver un nouveau nom, ça va pas régler le problème. Et en réalité, ces gens-là, ils se prétendent salafis, comme ils ont prétendu être soumis, et comme ils ont prétendu être autre nom, et puis ils n'ont aucune référence à la sunna et au salaf. Et c'est pour ça que de penser que c'est correct de les laisser s'appeler de cette façon-là, en fait, je pense que quand tu vois ces gens-là qui ont entendu parler de ça dans les médias, comme tu dis, comme moi-même j'ai vu dans les médias au Maroc et ailleurs, ceux qui ont fait les attentats à Casablanca, ils ont marqué en première page d'un journal Al-Salafiyya Al-Jihadiyya. Donc quelqu'un qui voit ça là, qui ne connaît pas la réalité de Da'wa Salafiyya, automatiquement le lien est créé dans son esprit. Et donc il va détester la Da'wa Salafiyya. Et ça c'est un complot, même un plan qui est calculé, que les koufars ont établi pour essayer de salir justement cette Da'wa Salafiyya, pour que les gens s'en éloignent parce qu'ils voient que c'est la réalité de l'islam, c'est le vrai islam. Et c'est ça qui les dérange. Pas les autres. Les autres soufis et les autres groupes de bid'a, ça les dérange pas. Il y a un péché pour cela, quoi. Il y a un péché si on dit, je suis le salafi, le compagnon, mais je suis un musulman. Si tu dis je suis un musulman, un bon musulman, de ne pas déterminer salafi, est-ce un péché? C'est pas une question de faire un péché ou non. La question c'est, quand tu dis je suis, non, si tu dis je suis un musulman, et tu vas voir le chien, il va dire je suis un musulman, et tu vas voir le mu'tazil, il va dire je suis musulman, et tu vas voir le kharij, il va dire je suis musulman, et le qadiri, et le djahmi, et le ash'ari, et le soufi, tu dis je suis musulman. À l'époque des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des sahaba, tu dis je suis musulman, alhamdulillah, ils sont une jama'a wahida, ils sont un seul groupe. Mais aujourd'hui, musulman, ça veut dire, exactement, tous ces gens-là se disent musulmans. Donc tu vas dire je suis musulman, alors quelle sorte de musulman? C'est ça la question, c'est quoi, musulman quoi? C'est pas assez maintenant, c'est pas assez clair. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de divisions parmi les musulmans. Une application, c'est qu'on avait demandé aux musulmans. Et puis après ça, il avait dit, Ikhwaniya, Ikhwandiya. Il y avait aussi Salafiya. Bon, c'est ça. Et le problème, le danger, c'est que les musulmans qui ne connaissent pas cette aqidah comme il faut, ce manhaj de Salaf, oui. Ben c'est ce qui arrive, c'est qu'ils se font tromper par les gens de bid'a. Et quand ils viennent d'un pays où la majorité des gens sont sur une seule chose que tout le monde connaît, ils ne connaissent pas aucune contradiction dans leur pays, c'est-à-dire que tout le monde sont en général sur un islam et ils ne connaissent pas d'autre chose. Quand ils vont aller dans un autre pays ou dans un autre pays en Occident, et bien là ils vont voir toutes sortes de différents groupes, sectes et tout, et là ils vont réaliser qu'il y a une différence et ils ne connaissent pas ça dans leur pays. Hein, c'est comme il y a beaucoup de musulmans qui viennent de l'Afrique du Nord et d'autres pays arabes, d'autres pays non arabes, et qui n'ont jamais entendu parler des chiites, des chiites, rafida ou autres. Et puis ils arrivent à Montréal, ils entendent qu'il y a des chiites. Ça les étonne. Ils connaissent pas ça. Hein? Imaginez maintenant un chiite, un mubtadi, qui grandit en Iran, et qui vient vivre dans un pays où tout le monde est soumis. Il va être étonné. Hein? Mais peut-être là, il va commencer à poser des questions, essayer de comprendre. Hein? Et c'est la même chose. Donc, il y en a l'attitude de certains musulmans, c'est de dire, ah ben moi dans mon pays, moi je suis l'islam de mon pays. Il se réfère à son pays comme étant une base, comme étant un fondement pour comprendre l'islam. Exactement. Et il y a l'autre attitude qui est de dire, moi je vais retourner au Coran et à la Sunna. Il faut essayer de voir c'est quoi la vérité dans toutes ces choses. Hein? Donc quelqu'un va dire, là il va retourner au Coran ou au Hadith, il va essayer de revoir réellement c'est quoi l'islam. C'est la seule façon de réaliser c'est quoi réellement l'islam. C'est retourner au Coran et au Sunna, et là c'est essayer de comprendre selon ce que les ulama ont dit, mais ceux qui se retournent au Salaf et tout ça. Et c'est pour ça que c'est une ni'ma, et les salafs ont dit ça. Il n'y a pas une meilleure, une plus grande ni'ma pour un musulman qui commence à connaître l'islam que de rencontrer un salafi ou quelqu'un qui est sur la sunna. Et quelqu'un qui est converti à l'islam, il n'y a pas une meilleure miséricorde pour lui que de rencontrer quelqu'un qui suit la sunna. Ça c'est la plus grande ni'ma. Hein? Na'am. Donc c'est pas suffisant de juste dire ça y est, je me suis converti à l'islam, ça y est, je suis dans l'islam, je suis musulman. C'est pas suffisant, parce qu'après, une fois que tu as connu l'islam, tu dois connaître la voie de la sunna. Parce que c'est la seule qui va être sur le bon chemin. Comme les juifs et les chrétiens auparavant se sont déviés après la venue de leurs messagers et leurs livres, la même chose qui s'est passée dans leur umma, va se produire dans notre umma la même chose. Pourquoi on serait différent? Pourquoi on serait différent? Et même, subhanallah, si on réfléchit et si on observe bien, beaucoup des bid'a qui sont arrivés à l'époque des juifs et des chrétiens, eh bien, ils ont essayé de les introduire dans l'islam. Ils croyaient que ça allait pouvoir entrer dans l'islam là, aussi facilement que c'est entré dans le judaïsme et dans le christianisme. Mais étant donné que l'islam est clair et protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun, nous allons faire descendre le zikr et certes nous allons le protéger, eh bien, ils ne sont pas capables d'introduire ces bid'a de la même façon qu'ils ont fait avec les juifs. Et on a eu des ulama qui nous ont protégés, qui nous ont défendus contre la philosophie. Et l'introduction de la philosophie dans l'islam, ils n'ont pas été capables d'entrer la philosophie comme ils l'ont entré dans le judaïsme, comme dans le christianisme. Ils ont fait des ravages dans le christianisme et dans le judaïsme, avec ces idéologies-là. Ils ont même détruit complètement ces religions-là. Alors que dans l'islam, ils ont été repoussés grâce aux imams al-Sunna al-Jama'a. Hein? Tous les autres ont fondu avec ces autres égarements-là. C'est seulement les gens d'Ahl Sunna qui sont restés. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ala Jadda. Donc on va arrêter ici, Inch'Allah. Et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'ithnillah. On peut le qu'on lui a dit, on va se faire tourner, on va se faire tourner. Ça va, Non, exactement, exactement, alhamdulillah,